Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, cet étrange désir de posséder les œuvres d'art, une série de Perrine Kervran réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a une leçon inaugurale ébouriffante au Collège de France et la pensée si précise et généreuse de l'historienne Bénédicte Savoie. Il y a aussi ces objets que l'on a tellement l'habitude de voir au musée qu'on finit par oublier que jamais cela n'a été leur place. Ils ont été faits pour des églises, des temples, des palais, des jardins ou des salons et d'une manière ou d'une autre en ont été arrachés. Et il y a ces demandes, des anciens pays colonisés, de récupérer les objets et les sculptures pillées. Et parfois, ce plaisir évident de voir un objet dans l'endroit pour lequel il a été conçu. Et paradoxalement, cet autre plaisir tout aussi fort de déambuler dans les musées. Mais en tous les cas, il y a souvent un moment, pendant les conflits, où les œuvres passent un sale quart d'heure. Alors pour commencer, les personnages. Un historien des objets détruits, un autre qui explore les racines du nazisme, des spécialistes du patrimoine qui veulent protéger les œuvres en temps de guerre, une historienne de la Première Guerre mondiale et des conservateurs inquiets. Ensuite, le décor, la place Vendôme, l'hôtel des Invalides, des autodafés, un institut à Rome, des champs de bataille, de l'Est, Bagdad, Palmyre, des statues pulvérisées, des ruines, l'UNESCO et les usages de guerre. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive dans les beaux quartiers. On est place Vendôme à Paris, donc un matin d'octobre, et on est face à la colonne Vendôme. Emmanuel Furet, est-ce que vous pouvez peut-être pour commencer nous décrire précisément cette colonne ? Alors, c'est une colonne très imposante qui s'élève à plus de 40 mètres de hauteur et qui a été édifiée en 1810 en l'honneur de la grande armée napoléonienne et qui représente les hauts faits justement de cette armée napoléonienne surmontée par la statue de Napoléon Ier en impérator romain. J'ai été caché dans un bunker. J'ai été pillé, vendu, échangé. J'ai été emporté par les Français. J'ai été enveloppé dans des rideaux. J'ai été caché. J'ai été volé. Je suis fait de toile. J'ai été échangé. J'ai été emporté en Allemagne. J'ai été volé par un soldat. De bois et de peinture. J'ai été démonté. J'ai été brisé. I was stolen. On me réclame. Détruire et protéger, le patrimoine aussi est un sport de combat. Je suis une statuette. J'ai été emportée en Italie. J'ai traversé l'Europe dans un chariot. Je suis en bois. Je suis en bois, en pierre, en marbre. Je suis une statue brisée et brûlée. J'ai été échangée. Statue. Je suis en marbre. Je suis en ivoire. La red salakoum. Je suis une œuvre d'art. Une fois que les régimes sont tombés, les ennemis vaincus et les révolutions en marche, une fois que le calme est revenu, que les traités sont signés et que l'on a compté les morts, alors on finit par regarder autour de soi. Et quand la poussière est retombée, on s'aperçoit que le paysage a changé. Des murs sont effondrés, des temples ont disparu, des clochers sont décapités, des bas-reliefs martelés, des bustes déboulonnés, des sculptures réduites à l'état de gravat, des tableaux lacérés et des fresques défigurées. Et comme on sait désormais que les statues meurent aussi, alors pourquoi ne pas mettre en place petit à petit, quand les temps s'y prêtent, les moyens de les protéger des colères du moment, qu'elles soient légitimes ou pas. Alors est-ce que cette colonne est celle qu'on a vue à l'origine? Est-ce que c'est la colonne originale? Qu'est-ce qu'on a devant les yeux précisément? Alors, on a une reconstitution à l'identique d'une colonne qui a été totalement démolie sous la Commune de Paris en 1871, dans un contexte de guerre civile terrible. Certains membres du gouvernement communal sont présents aux fenêtres du ministère de la Justice, bien visibles avec leurs écharpes rouges. Sur la place elle-même, il faut être muni d'un laissez-passer. Puis, dans les rues adjacentes, la foule se masse pour assister à ce grand spectacle. et puis finalement, donc à 17h30 je crois, donc chute la colonne et avec elle le tyran. Dans l'instant de la chute, la tête se détache du corps. Les Parisiens présents essayent de s'approcher de la statue, crachent sur le visage de Napoléon, lui donnent des coups de pied, etc. À Rome aussi, il y a eu des moments de terreur et de fureur. De ces moments où tout bascule et où la violence devient possible. De ces violences qui traversent les siècles et dont on retrouve intacte la trace dans les textes. De ces violences qui vont avec les destructions d'usage. Et on en a gardé quelques traces sur les fresques de Raphaël, dans les chambres du Vatican et aussi sur celles de la Villa Farnésine. Questa aula del primo piano prende il nome dalla decorazione di Baldassarre Peruzzi, che nel 1519 affrescò sulle pareti vedute prospettiche urbane e campestri tra finte colonne. Quand on entre dans cette salle de bal de la Villa Farnésine, qui est assez grande, qui doit faire peut-être 100 mètres carrés, quelque chose comme ça, on est d'abord saisi par ces trompe-l'œil, cette perspective qui nous entoure. Donc on a ce décor qui est fait de des morceaux de paysage comme ça, entre des colonnes de marbre au-dessus de balustrades, qui semblent s'ouvrir sur l'extérieur, sur la ville, sur les jardins, sur le ciel. Et quand on s'approche de certains de ces murs, on réalise que sur un certain nombre de morceaux de fresques, il y a des dessins, des écritures, des gravures, des caricatures, des profils, et que finalement, ces fresques sont presque envahies, truffées de petits messages qu'il faudrait pouvoir déchiffrer. Est-ce que vous pouvez nous dire, Virginia La Penta, ce qui se passe ici en 1527, au moment du sac de Rome ? Nel 1527, appunto, la villa est in uno stato di completo abbandono. Alors au moment du sac de Rome, donc qui commence en 1527, la villa est en plein état d'abandon. Per cui abbandonata a se stessa. C'est pour ça que les Lansquenets, donc en 1527 et en 1528, vont occuper la villa et pour en faire un campement, une caserne militaire. Il momento storico drammatico dell'imperatore Carlo V. C'est un moment de crise historique très important pour Rome, donc, puisque ça va opposer le pape Clément VII à l'empereur Charles Quint. Il y a des luttes de pouvoir. Et Carlo V organizza questo gruppo di soldati mercenari. Charles Quint va former une troupe de mercenaires qui ont tous en commun la langue allemande. Nel momento in cui i mercenari arrivano a Roma, come la storia ricorda, il Papa Clemente VII. C'est un moment extrêmement dramatique donc pour Rome, puisque les Lansquenets vont réussir à mettre en fuite le Pape qui va courir se réfugier donc au château Saint-Ange. Et lasciano. Et donc, les Lansquenets veulent laisser une trace, justement, de leur succès et de leur permanence dans cette ville-là. Et donc, ils vont mettre une date, qui est 1528, et une phrase qui dit, donc, pourquoi ne devrions-nous pas rire, puisque nous avons réussi à mettre en fuite le pape. Il papa lo prendono in giro. Ne fanno la caricatura su di un'altra. Et donc ils vont faire la caricature du pape à côté de la tour sur laquelle est inscrite par eux donc Babylone. Un ricordo storico testuale della diatriba religiosa in corso. Siamo in piena. Puisque ils étaient protestants, bien sûr, on est en pleine période de réforme et de contre-réforme. Et il momento storico in cui questi popoli, questi mercenari, fondamentalmente distruggono gran parte di quelli che sono le opere storiche, di saccager, d'abîmer ce qui rappresente justement toute la Renaissance, e particulièrement les arts. creare paura, danni, devastazioni, morte, pour montrer justement la décadence dans laquelle est tombée Rome. Donc ils vont faire fuir en plus tous les grands représentants de l'art de la Renaissance et tous les grands maîtres vont vraiment quitter Rome puisqu'ils ne trouvent plus ici le terrain fertile qu'ils avaient connu auparavant. Per una descrizione dettagliata delle opere presenti nella sala, premete il tasto giallo. Altrimenti passate alla stanza delle nozze, premendo il pulsante numero 7. Pour en savoir plus, appuyez sur la touche jaune. Ce qui revient souvent, c'est ce même mécanisme qui consiste, à travers le pouvoir des images, à toucher le référent à travers l'image. C'est-à-dire qu'en détruisant l'image, on détruit aussi tout un système de signes, mais aussi un ordre social, politique, etc. Ensuite, voilà, il y a différents registres, je dirais, d'action iconoclaste. Il y a ce que j'appelle un régime de souveraineté, c'est-à-dire des destructions d'images qui visent à accélérer le transfert de souveraineté. Donc typiquement, c'est l'abattage de des statues royales en 1792, par exemple. Il y a aussi un registre, je dirais, de réparation mémorielle, et qui, lui, probablement, s'inscrit sur la plus longue durée, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, en détruisant des images, des monuments, on cherche à réparer une mémoire blessée. Donc c'est des monuments qui offensent, dans le présent, certaines communautés qui se sentent visées, blessées. Et évidemment, là, on pense aux événements récents aux États-Unis, notamment à Charlottesville, tous ces monuments en l'honneur des soldats confédérés, notamment le général Lee, qui ont été construits en réalité jusqu'aux années 1960 comme associés à une volonté de ségrégation raciale et qui aujourd'hui sont considérés comme insupportables et qui donc sont soit déboulonnés, soit enlevés plus calmement de l'espace public. Et puis il y a une troisième forme d'iconoclasme, un troisième registre que j'appelle un registre d'effraction, c'est-à-dire comme le graffiti, on cherche à pénétrer dans l'espace public, à protester de manière un peu spectaculaire, mais à un moment où on n'a pas l'espoir que ça bascule. C'est différent, du coup, de l'iconoclasme de souveraineté. Par exemple, ici, le monument Tri qui a été attaqué il y a quelques années. Place Vendôme à Paris, le plug anal a fait pchit. Il s'agit d'une installation gonflable érigée en marge de la FIAC par le designer américain Paul McCarthy. Gonflé, l'objet tout vert a tout de même 24 mètres de haut et la forme d'un sextoy. La nuit dernière, des inconnus ont brisé les amarres du ballon qui s'est écroulé. Le petit monde de l'art contemporain est en ébullition. Les uns dénoncent l'intolérance et la misère intellectuelle. Les autres dénoncent une arnaque à la crédulité et au culturellement correct. Ce qui m'a véritablement frappé, c'est la continuité des gestes, l'acharnement sur le corps représenté par la statue et donc le fait de s'attaquer en particulier aux yeux, aux mains, à certaines parties disons du corps qui ont un symbolisme évident et que l'on retrouve jusque dans les lacérations d'affiches électorales, enfin les attaques d'affiches électorales où les yeux sont souvent visés. Donc il y a une espèce de continuité anthropologique là vraiment dans les gestes. Voilà. On est arrivé à l'hôtel des Invalides, on est au musée de l'armée, et là, on va à la Bibliothèque internationale de documentation contemporaine pour aller voir les photos d'une exposition qui s'est tenue à Paris en 1916-1917, qui s'intitulait donc « Exposition d'art mutilé ». Et on a rendez-vous avec Christina Cotte pour regarder des photos du fond photographique de l'armée qui sont conservés dans la bibliothèque. Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris. Petit palais des Champs-Élysées. exposition d'œuvres d'art mutilées ou provenant des régions dévastées par l'ennemi. Organisée par la ville de Paris, sous le patronage du sous-secrétaire d'État des Beaux-Arts et sur l'initiative du journal. Ouverte tous les jours, de 10h à 4h, à partir du samedi 25 novembre. Prix d'entrée, 1 franc, au bénéfice d'œuvres de solidarité artistique. Là, je cherche un petit peu, parce que je n'avais pas vu. Il y avait des vitrines avec des sculptures brisées, et notamment une. Et c'est vrai que les images de statues brisées peuvent être très fortes. Fortes au point de faire un peu de propagande sur leur dos. Et en temps de guerre, ça ne peut pas faire de mal. En 1916, on en a même fait une exposition. Oui, par exemple, ici, c'est un personnage donc décapité et les organisateurs de l'expo ont posé la tête à côté du buste de manière très spectaculaire. C'est vraiment des photos qui m'ont, à l'époque, complètement fascinée. Oui, oui, oui. Alors, des gisants, des anges. Voilà, là, on voit bien un visage. Alors, on voit la tête de la Vierge de la basilique d'Albert, coupée en deux, fendue. Ce sont donc des objets récupérés sur les fronts, dans les zones des opérations, côté français, d'accord, par les Français. Peut-être pouvez-vous nous décrire cette photo pour commencer, celle qui est devant nous là. Oui, donc c'est une photo d'un crucifix de l'église de Revigny en Meuse, dans la Meuse. Pour moi, cette photo, elle est emblématique pour cette exposition parce que en fait, il ne reste plus grand-chose de la figure du Christ. Voilà, il reste juste un bras accroché à la croix. La croix est abîmée, on dirait qu'elle a été brûlée. Donc il y a les traces très visibles qu'on voit aussi sur la photo. Et donc cette croix, elle représente tout le message de l'exposition. C'est-à-dire que les Allemands barbares sont même allés jusqu'à détruire les crucifix, donc les symboles religieux. Et voilà ce qu'il en reste. Donc oui, effectivement, on voit sur cette photo, il reste sur un des bras de la croix, quelques doigts du Christ, à l'endroit où la main est donc clouée, fixée sur le montant de bois. Et de l'autre côté, il y a un bras, mais qui du coup est pendu dans le vide, est suspendu dans le vide. Et on a l'impression comme ça d'un reste humain. Et on pourrait effectivement imaginer que c'est un blessé de guerre, finalement. Mm-hmm, exactement, parce que donc, l'exposition avait comme objectif, premièrement, de dénoncer la barbarie de l'ennemi. Et donc ces débris, évidemment, rappelaient les morts au front, qu'on ne pouvait pas représenter. Et donc voilà, c'était aussi une manière de représenter la mort sans montrer les corps. J'aimais bien cette Vierge aussi de l'église de Curlu, qui n'a plus de tête, mais l'enfant est intact. Et qu'est-ce qui était sous-entendu dans cette exposition ? Il était sous-entendu, et même... ce n'était même pas sous-entendu, c'était déclaré haut et fort que ces destructions étaient dues à une Allemagne protestante qui s'attaque au symbole de la France catholique, ce qui était bien évidemment assez caricatural comme on le sait aujourd'hui. Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur Terre, La Haye, 18 octobre 1907. Les hautes parties contractantes jugent opportun de constater que les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Elle déclare que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2 du règlement adopté. Alors du côté allemand, l'Allemagne, donc les armées allemandes, avaient incendié, bombardé des monuments. Et puis, assez rapidement, ils se sont aperçus que c'était une très mauvaise image. que le monde recevait de la culture allemande. Et suite à l'intervention de plusieurs directeurs de musées, un service de la protection des œuvres d'art, donc le Kunstschutz, a été mis en place. Et des évacuations ont été organisées à partir de 1917. Et est-ce qu'il y avait des accords internationaux en disant, voilà, en tout cas, on ne s'attaque pas au patrimoine, chacun... Est-ce qu'il y avait comme ça des conventions ? Bien sûr, il y avait la convention de La Haye de 1907, mais bon, ces conventions étaient déjà obsolètes et ne prévoyaient aucune sanction à celui qui ne les respectait pas. Néanmoins, on faisait référence à cette convention pour dénoncer les crimes de l'ennemi. Donc déjà, cette convention avait une certaine présence, au moins dans les discours. Les hautes parties contractantes sont convenues de ce qui suit. Article 1er. Je suis un objet d'art. Les puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexées à la présente convention. J'ai été pillé. Article 27. J'ai été détruite. Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que possible les édifices consacrés au culte, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. J'ai été pillé, détruit, rendu. J'ai été emporté. I was destroyed. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant. Article 28. Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité, même prise d'assaut. Sur quelle convention internationale est-ce qu'on peut se reposer pour protéger le patrimoine ? Il y en a plusieurs. Certainement, Blue Shield, c'est la convention mère, comme dire, c'est-à-dire c'est un peu la suite de la convention de Hague sur la protection du patrimoine en temps de guerre. Stefano Di Caro dirige à Rome l'ICROM, le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. Il travaille, entre autres, sur le patrimoine en danger en temps de guerre. La promotion de la haie, c'est une convention qui marche bien entre des pays formellement institués. C'est-à-dire, c'est une convention qui prévoit qu'en cas de guerre, les participants au conflit respectent les bâtiments et les immeubles et les œuvres d'art qui sont classés. Donc, il y a le bouclier bleu, c'est dans la traduction française. Blue Shield, c'est comme ça. Oui. Pour les bâtiments, il y a un bouclier bleu qu'on place sur le toit et ça indique aux adversaires que ce sont des sites protégés, mais ça ne marche pas dans des cas de conflit. Maintenant, on dit inégaux. On ne peut pas demander à ISIS, Daesh, de respecter une convention qu'ils n'ont jamais signée, qu'ils s'en fichent complètement. Et les pays qui adhèrent au bouclier B s'engagent aussi à mettre en place toute une série de protections et donc à préparer le personnel. Musée sous protection, c'est une pancarte à l'entrée qui le dit. Museum under protection. Pendant les pillages, 48 heures après la chute de Bagdad, il n'y avait aucun soldat américain à l'horizon. Aujourd'hui, le musée archéologique d'Irak ressemble à une base américaine, blindée en embuscade, mitrailleuse en file indienne, tireur d'élite sur le sol et l'inévitable responsable de la communication. Les médias seront autorisés à pénétrer à l'intérieur en temps utile, mais pas avant 2 ou 3 jours. Il faut d'abord qu'on fasse un inventaire avec le personnel du musée et des experts. Il y a encore beaucoup de zones avec des pièces cassées, des débris qui jonchent le sol. Il faut éviter de les piétiner pour ne pas les endommager. Avant le déclenchement de la guerre, les joyaux des 200 000 pièces du musée avaient été stockés dans des caves et des salles aux portes très solides, explique l'un des archéologues du musée qui nous reçoit chez lui. Si ceux qui ont pillé ce musée sont des Irakiens, poursuit l'archéologue, alors ce sont des barbares, des sauvages. Quand je suis revenu pour la première fois dans les galeries avec mes collègues et que j'ai vu ce désastre, on s'est tous mis à pleurer. C'était insupportable de voir cette fin tragique du patrimoine irakien. Corey Wigner fait partie de l'ICROM, et elle est aussi une scientifique de terrain. I'm an art historian and by my career. Je suis historienne de l'art et j'ai fait une carrière de conservatrice de musée. Mais je fais aussi partie de l'armée américaine de réserve depuis plus de 20 ans. Et j'ai été déployée plusieurs fois en tant que réserviste, dont récemment, avant ma retraite, en tant qu'officier des monuments, des arts et des archives en Irak, à Bagdad, pour travailler avec le musée irakien, après qu'il a été pillé et pour tenter d'aider les collègues irakiens à restaurer leur patrimoine là-bas. L'Irak a adhéré à la Convention de La Haye depuis très longtemps. En Irak, je suis arrivée comme une experte et j'ai été déployée après que le musée a été attaqué. C'était donc trop tard. Mais j'ai pu me connecter tout de suite et directement aux collègues locaux en leur disant « Je suis conservatrice, vous êtes des conservateurs, de quoi avez-vous besoin dans l'immédiat pour essayer de stabiliser la situation ?» Du coup, j'ai travaillé avec les collègues sur place et je suis restée 9 mois. Là, j'ai collaboré avec des confrères italiens à Bagdad. Notre bureau avait du personnel italien, britannique et aussi plusieurs experts en patrimoine. Et on a travaillé ensemble pour tenter de stabiliser la situation, pas uniquement pour le musée, mais aussi pour d'autres collections qui avaient été abîmées à Bagdad. Corinne Wegner, est-ce que ce n'est pas parfois compliqué quand on arrive dans un pays comme l'Irak après un conflit et qu'on arrive en tant qu'Américain en Irak, en plus avec des questions de patrimoine ? En 2003, je pense, bien sûr, nous étions en guerre. En 2003, évidemment, on était quand même en guerre. Et ça, ça a demandé du temps pour instaurer la confiance. Mais maintenant, le musée Smithsonian de Washington travaille sur un projet de sauvetage pour le site archéologique de Nimrud après les destructions causées par les bombardements de Daesh. Et on travaille principalement avec l'Institut irakien de conservation des antiquités et du patrimoine qui est à Erbil. Et on a de très bonnes relations de travail avec les collègues là-bas. On s'entraîne avec eux depuis des années et donc maintenant, c'est facile de travailler ensemble sur le sauvetage de Nimrud et de Mossoul, car on a cette longue relation commune. Le 27 juillet 1943, une colonne de fumée s'élevait avec persistance de la terrasse des Tuileries. Elle ne disparut qu'avec le crépuscule et le blackout. L'incendie se localisait aisément dans le jardin intérieur du musée du Jeu de Paume, où crépitait dans les flammes une pyramide hérissée de cadres et de châssis. On pouvait y apercevoir, par éblouissements successifs, des images qui disparaissaient ensuite dans le feu. Des servants entretenaient ce bûcher avec des soins attentifs qui semblaient participer au rituel d'un sacrifice. Une sentinelle en armes surveillait la scène et en empêchait l'approche. Des tableaux modernes, environ 5 ou 600, brûlaient au cœur même de Paris. Tous avaient été désignés par l'Einsatzstab Rosenberg comme inemployables et dangereux. En eux se trouvait un poison à détruire, l'inspiration enjuivée dénoncée par le Führer. Le choix était somptueux, et le bûcher nazi richement alimenté. Des peintures de Masson, Miro, Picabia, Valadon, Klee, Max Ernst, Léger, Picasso, Kissling, Lafrené, Marval, Manet Katz devenaient la proie des flammes. Et beaucoup d'autres œuvres de qualité partageaient leur sort. Un camion militaire les avait amenés du séquestre du Louvre au jardin du Jeu de Paume, où devait être exécutée la destruction prévue comme par une sentence quelques jours auparavant. Rose Vallant, le front de l'art. Alors, les autodafés sont une grande spécialité nazie. Évidemment, il y a un recours à une symbolique, à un rituel qu'ils n'ont pas inventé, comme souvent, et qui a fortement marqué l'histoire de l'Occident, hein, brûler les corps, brûler les œuvres. L'efficace du feu consistant en la destruction totale, mais également produisant un effet à la fois d'asepsie, on va détruire le microbe, et de prophylaxie, puisque l'on va tuer le germe pour éviter une contamination ultérieure. Les autodafés sont mises en scène d'abord et avant tout pour les œuvres de production intellectuelle matérialisées par le livre. C'est le fameux autodafé du 10 mai 1933 qui consiste à détruire tout ce qui est undeutsch, hein, tout ce qui est non-germanique ou anti-germanique pour l'éloigner de la circulation intellectuelle. Il faut bien voir que cette destruction par le feu, non seulement est le recours à un rituel archaïque très puissant, très évocateur, mais également la diffusion d'un message selon lequel on a affaire ici à de la biologie malade. On va éliminer cette biologie malade qui est matérialisée dans l'œuvre de création intellectuelle et l'œuvre d'art. Les nazis sont des racistes absolument conséquents, ils sont des biologisants conséquents et radicaux. Les nazis croient, c'est une espèce de postulation de foi, si vous voulez, croit réellement que tout est biologique. Tout est biologique dans l'histoire, dans l'humanité, dans la création artistique, culturelle, intellectuelle, que ce sont les seules lois qui vaillent dans l'humanité et dans son histoire. Et dès lors, les œuvres de production intellectuelle et culturelle sont soumises à un traitement biologique. Voilà. Sélection faite. Ces messieurs de l'ERR, couteau en main, se mirent à l'ouvrage et commencèrent à liquider l'étoile condamnée. Cet étrange massacre eut lieu par une ironie du sort dans les trois salles réquisitionnées de notre grand musée national. Toutes les peintures marquées pour l'Holocauste furent fendues ou découpées. Puis, ce qui n'était que débris, dont il fallait matériellement se défaire, fut transporté en camion pour être brûlé dans le jardin du Jeu de Paume. Le lieu de l'autodafé parisien était moins bien choisi et adapté aux fins hitlériennes que la caserne des pompiers berlinois où le feu national-socialiste avait épuré les collections allemandes. Tels furent les événements résumés le 27 juillet 1943 par la haute colonne de fumée qui s'échappait dans le ciel de la Concorde. De manière générale, tout ce qui est postérieur à 1850 est suspect. Est suspect parce que on sort de la représentation classique, on va dire réaliste, et tout ce qui est hors de la représentation, que ce soit en sculpture ou en peinture, est répudié. Et est-ce qu'on sait comment réagissaient les auteurs dont les livres étaient brûlés, les artistes dont les tableaux étaient brûlés ? On connaît par exemple la réaction d'Erich Kästner lorsqu'il assiste à l'autodafé du 10 mai 1933 au soir, hein, sur la place de l'université à Berlin, et il voit un moment, il assiste un moment à la crémation de ses œuvres, avec proclamation de son nom. Et Kästner rentre chez lui et écrit dans son journal cette phrase de Heinrich Heine, du poète Heine, qui dit « Là où l'on brûle des livres, on finit par brûler des hommes ». Bon, je trouve que c'est une prophétie assez terrifiante qui... C'est vérifié plus tard. Personne n'aurait pu le penser, hein, en avoir l'intuition. Kästner a eu cette intuition en voyant ses livres brûler devant lui. Johann Chapoutot, est-ce que vous voyez des comparaisons à faire, des fils à tirer avec d'autres moments historiques où on s'est attaqué à l'art ? Très clairement, les moments de grande tension iconoclaste que l'on a connu par le passé à l'époque moderne, notamment dans le cadre des guerres de religion, ou très clairement au XVIe, XVIIe siècle, en France, en Allemagne, partout en Occident, ou très clairement l'œuvre de l'autre, de l'hérétique, ou du mauvais croyant, hein, du mécréant, l'œuvre du mécréant était considérée comme une injure au créateur, et devait donc être détruite de la même manière que l'hérétique devait être détruite. En tout cas, c'est le cas dans les violences catholiques, c'est très clair. Dans les violences protestantes, c'est un petit peu différent. Plus proche de nous et postérieur au nazisme, évidemment, les destructions perpétrées par les assassins de Dieu, hein, que ce soit les grands Bouddhas d'Afghanistan, ou que ce soit évidemment les mausolées de Tombouctou ou les ruines de Palmyre. Dans tous les cas, on le voit bien, que ce soit Bouddha, un mausolée non approuvé par la doxa religieuse ou évidemment des runes antiques, il s'agit là d'un rituel d'exécration, donc rituel sacré, hein, qui vise à rejeter hors de la sacralité quelque chose qui est l'œuvre du démon et qui est défini comme tel. Mais cela dit, dans la volonté de détruire, dans la volonté d'éradiquer, et dans la radicalité de la destruction totale, par le feu, par le bulldozer, par la dynamite, il y a cette pulsion de destruction de l'autre. C'est la même chose. Vous détruisez la créature pour détruire le créateur, pour l'effacer, en effacer la trace, l'existence, la mémoire. Ces bouddhas géants de Bamiyan sont peut-être déjà redevenus poussière. Hier, les talibans les ont attaqués à l'arme lourde. Aujourd'hui, ils devaient les dynamiter. Pour eux, ces statues ne peuvent être des idoles. Seul Allah doit être vénéré. Ces bouddhas ont été sculptés entre le 2e et le 5e siècle de notre ère, mais les talibans se moquaient perdument du patrimoine afghan. C'est un site unique en soi. Par définition, il aurait dû être inscrit au centre du patrimoine mondial. Si on se donne la peine d'éradiquer, c'est du travail quand même, hein, de détruire les ruines de Palmyre, d'araser des mausolées ou de dynamiter des statues géantes. Si on se donne la peine d'effectuer ce travail-là, c'est bien que l'on croit à l'efficace performative de quelque chose qui n'est pas seulement simple représentation iconique et neutre, mais qui est un agent. Un agent de quoi ? Du démon. L'œuvre d'art est un principe actif, et dès lors à détruire comme tel. Et dans cette idée de le faire en public, c'est-à-dire que les autodafés des nazis étaient faits en public, et par exemple la destruction des bouddhas de Bamiyan, on sait qu'elle a été filmée et qu'elle a été faite pour être montrée. C'est une démonstration de puissance, c'est une forme d'exaltation collective, c'est une fête, hein, l'autodafé, c'est une fête qui vise à souder la communauté par un acte festif, un rituel festif, en excluant par la destruction, l'autre de cette communauté. Il y a une volonté d'affirmer sa radicalité implacable. Probablement que la restauration a été le régime le plus iconoclaste du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a cherché à rassembler, en 1815-1816, l'ensemble des signes et des images, non seulement de la période napoléonienne, mais aussi de la période révolutionnaire. Il ne restait plus grand-chose, mais il en restait quand même quelques signes. Et on a organisé une grande collecte dans tous les départements. Les préfets, les sous-préfets, les maires ont été invités à rassembler les drapeaux tricolores, les bustes de l'empereur, les tableaux à l'effigie de l'empereur, les bustes des martyrs de la liberté qui persistaient depuis la Révolution. Et on a organisé de grands autodafés de place publique. Le plus important d'entre eux, sans doute, était celui d'Orléans, qui a été décrit par le menu. On a suspendu à l'envers un grand tableau de Napoléon par Gérard, qu'on a transpercé comme une exécution en effigie sous l'Ancien Régime, quand on condamnait à mort par contumace un condamné absent. Il y a une volonté d'affirmer sa radicalité implacable. Dire, voilà, nous, on ne plaisante pas. Or, dans le cas de Palmyre, on sait qu'il y avait également une forme de chantage. On a détruit petit à petit, de manière très spectaculaire, sur les réseaux sociaux, etc., le but étant d'avoir une forme de gage de négociation. Donc il y avait une forme de rationalité dans la radicalité. Dans un premier temps, les talibans qui sont arrivés au pouvoir en 1996 donc avaient protégé les monuments et les antiquités nationales. Et puis, il y a eu une rupture. À partir du moment où ils se sont sentis totalement isolés, non reconnus par l'ONU, etc., ils ont décidé d'appliquer à la lettre un iconoclasme anti-idolâtre, mais qui n'avait en l'occurrence aucun sens, puisque les bouddhas de Bamiyan ne faisaient l'objet d'aucun culte particulier. Donc, encore une fois, derrière l'action officiellement commise au nom de la religion, en réalité, c'est un acte politique à l'endroit de l'Occident, puisqu'on vise l'idole patrimoniale, l'UNESCO, etc., à travers ça. Voilà. Si on parle de la période révolutionnaire, cette question de l'iconoclasme, du vandalisme qui est souvent associé, on a l'impression qu'avec l'iconoclasme va toujours de pair la question du patrimoine de la conservation. C'est-à-dire, à partir du moment où on décide de détruire quelque chose, on se dit qu'est-ce qu'on va détruire, qu'est-ce qu'on va conserver. Et finalement, ça va ensemble, ce souci du patrimoine et ce désir de détruire. Oui, il y a à partir de la Révolution française, une dialectique entre conservation et destruction. Et cette dialectique, elle a une traduction qui est spectaculaire. C'est le 10 août 1793, le même jour, s'ouvrent les portes du Muséum national, le Louvre, et place de la Révolution, place de la Concorde actuelle, un immense auto-da-fé est organisé pour détruire les signes de la féodalité et de la monarchie. Et toutes les révolutions, évidemment, les unes après les autres, la révolution russe comprise, ont eu cette dialectique. Ils ont géré différemment. Évidemment, pendant la révolution culturelle chinoise, on n'est pas allé dans le détail. Hein. La machine s'est tellement accélérée qu'il a fallu l'arrêter. J'ai été détruit. J'ai été pillé. Je suis un frasque. J'ai été détruite. J'ai été brûlée. J'ai été détruite. J'ai été volée. Détruite, pillée. Je suis un objet d'art. Les dernières images de combat à Palmyre. L'armée syrienne était encore présente hier matin autour de la ville, mais se trouvait déjà à bonne distance. En grande difficulté, les troupes loyalistes se sont maintenant retirées, abandonnant toute leur position stratégique. Cela ne fait plus aucun doute, le groupe État islamique contrôle Palmyre. Les militants djihadistes auraient même déjà investi la zone du site archéologique. Palmyre, la perle du désert syrien, plus de 2000 ans d'histoire, déjà endommagée par les combats. Ce trésor de l'humanité va-t-il résister à la folie destructrice du groupe État islamique ? Le pire est à craindre. L'organisation djihadiste a déjà prouvé son aversion pour les antiquités pré-islamiques. Mise en scène de combattants détruisant au marteau les statues du musée de Mossoul en Irak. Ou encore la cité de Nimrod, toujours en Irak, dynamité. Toute destruction à Palmyre serait non seulement un crime de guerre, mais une énorme perte pour l'humanité. À chaque fois que de nouveaux conflits éclatent, de nouvelles œuvres disparaissent. Alors que ce soit l'ONU, l'UNESCO ou l'ICROM en l'occurrence, chacun imagine des formations ou des unités de spécialistes capables d'intervenir sur place. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Stefano De Caro, comment est-ce que, à partir du mois de mai l'année dernière, je crois, il y a eu une grande réunion qui a permis justement d'imaginer comment mettre en place une force, des casques bleus de la culture, qui pourrait aller sur les terrains de guerre? Ça, c'est une proposition de l'Italie qui a suivi à un appel fait par l'UNESCO, Unite for Heritage. Ces unités devraient former des unités spécialisées de façon de protéger, d'avoir, par exemple, des cartes où tous les objectifs civils, artistiques, etc., sont classés, individués exactement, et il doit y avoir une coordination entre l'action militaire et l'action de protection. C'est-à-dire que dans les exercices qu'on fait, on apprend aux soldats, mais aussi aux gens des NGO qui travaillent avec nous, par exemple. Les organisations militaires, les ONG. Oui, les non-gouvernementales. Comment on recueille sur le terrain les fragments, comment on sépare les choses utiles des morceaux qui, évidemment, sont simplement des débris. Catherine Antomarchi s'occupe elle aussi de mettre en place les formations de l'ICROM. Donc par exemple, dès la première semaine, on fait des simulations dans un musée où on dit, vous avez une demi-heure, il y a une foule enragée qui est à la sortie du musée, ils vont rentrer et vous avez une demi-heure pour par exemple tout emballer, documenter, etc. Donc on met les gens tout de suite dans des situations extrêmes et petit à petit en fait, pendant le cours, il va y avoir chaque semaine des situations comme ça qui vont devenir de plus en plus complexes jusqu'à la fin. Mais à la fin, on organise une simulation énorme avec les brigades de pompiers, par exemple, sur leur terrain ou les brigades d'expérimentation militaire. Ça dépend des endroits où on a travaillé. Et on fait un véritable... On crée une explosion avec du fumigène. Évidemment, on va pas faire. Et les gens sont vraiment dans une situation où ils doivent s'organiser. Ils ont une situation analysée au départ, puis ils arrivent sur le terrain. Ils doivent choisir leur matériel. Donc, toute la formation est pensée pour leur permettre de s'habituer à des situations de crise. À chaque fois, on a le soutien d'autres organisations, pas de culture, soit des organisations humanitaires, soit la Croix-Rouge, soit l'armée, qui, sur les terrains dans lesquels nous faisons les cours, en Hollande, on l'a fait une fois. Donc là, ils interviennent, ils nous amènent par exemple tous leurs volontaires qui vont être les populations qui ont été touchées. Parce que quand est-ce qu'on intervient pour la culture? Est-ce qu'on intervient quand il y a encore sur le terrain des personnes qui sont blessées? Comment aussi on négocie avec les populations? Il peut y avoir dans la population des communautés qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, tous les fois qu'il y a un tremblement de terre, par exemple, et les gens, les professionnels du ministère de la Culture, ils cherchent à emporter dans des dépôts les objets des musées, etc. Les populations locales, ils disent non, ça c'est à nous. Vous les portez, puis nous ne les reverrons jamais. Et donc, ils cherchent à s'opposer par peur que les choses vont partir. Et ils ne savent pas quand ils vont les revoir. Donc, il faut être un peu habitué à ce type de discussion. Aparna Tandon, vous aussi, vous avez participé à ces formations. Peut-être pouvez-vous nous raconter en quoi elles consistent? One of our participants, Lama Aboud, from Homs in Syria. Par exemple, une de nos anciennes participantes à la formation, Lama Aboud, qui est une architecte de Homs en Syrie et qui travaille depuis longtemps sur le centre historique de Homs et sur les bâtiments qui font partie du patrimoine de la ville, une ville qui est désormais complètement détruite. Eh bien, pour nous, c'était très émouvant de la revoir sur Skype, de voir ces images de gens qui, avec très peu d'informations, sont pourtant heureux de pouvoir les utiliser et de les voir se rassembler autour d'un objectif commun pour faire quelque chose. Et quand on voit derrière eux ces images de la ville détruite et qu'on voit ces gens de professions et d'horizons différents se regrouper pour sauver leur patrimoine, eh bien là, on ne dit plus que ces initiatives sont la volonté de gens de l'extérieur. On voit que c'est le souhait des gens sur place, des gens de l'intérieur. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. We are here today for the opening of the trial of Mr. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi. للأسف الشديد إن الكلام الذي سمعته كله صحيح ويستند إلى أدلة واقعية. En septembre 2016, a été rendu au tribunal pénal international de La Haye le premier jugement pour destruction de biens culturels, considéré désormais comme un crime de guerre. C'est la première fois que cette cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté et contribuer à lutter contre le fléau qui le touche et qui est trop souvent le prélude aux pires exactions contre les populations. Très récemment, il y a eu donc un membre du groupe Ansardine qui a été condamné par le tribunal pénal international pour une destruction justement de biens culturels, qui a été donc pour la première fois reconnu comme un crime. Est-ce que pour vous, ce genre de choses est une source d'espoir, peut faire avancer les choses, peut être un élément, ces éléments juridiques, on peut penser aussi aux conventions de l'UNESCO, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Il est évident qu'il est enfin nécessaire de condamner ces destructions comme crimes de guerre. Vincent Blanchard, conservateur au département des Antiquités orientales au musée du Louvre. Ce sont des crimes de guerre comme ceux liés à la destruction des personnes finalement, puisque ça participe de cette même logique de détruire un pays. Oui, en parlant avec nos collègues du Proche-Orient, c'est vrai que la condamnation qui a eu lieu donc en septembre 2016 est importante. Marielle Pic, archéologue, conservatrice générale et directrice du département des Antiquités orientales au musée du Louvre. Mais vous imaginez bien que c'est une seule par rapport à tellement de pillages et tellement de gens qui autrement... entre guillemets, s'en sortent, c'est-à-dire qu'ils ne subiront jamais quoi que ce soit. Donc effectivement, c'est tout à fait infime par rapport au trafic qu'il y a en ce moment. Mais je suis d'accord, c'est effectivement un début, Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, par la suite, comme on l'a vu, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, les procès se sont passés bien plus longtemps. Je ne parle pas des procès de personnes, hein, mais par rapport au patrimoine, ils ont été étudiés bien plus longtemps après la fin de la guerre. Donc, voilà, c'est ce qu'on espère. Ça se fera au fur et à mesure. Et justement, en tant que conservateur, quand vous voyez comme ça du patrimoine détruit par la guerre, volontairement détruit ou accidentellement, qu'est-ce qu'on ressent comme conservateur, comme archéologue à ce moment-là? Quand des sites qu'on a fouillés en plus parfois. Quand vous travaillez, vous consacrez votre vie au patrimoine, hein, c'est quand même très compliqué de voir non seulement les archéologues, on s'en souvient, assassinés ou les monuments détruits. Alors, je dirais qu'en 2015, au département, on était vraiment très mal. Pour tous les spécialistes du domaine, jamais on pensait que ça se passerait comme ça. Mais justement, la force que nous avons, c'est aussi d'essayer d'imaginer ce qui se passera plus tard, comment on va pouvoir aider nos collègues ou syriens ou irakiens pour arriver à reconstituer leur patrimoine. Au moment de la destruction de l'Arc de Triomphe, en particulier de Palmyre, il y a eu plein d'Arcs de Triomphe qui se sont dressés un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et je pense qu'il vaut mieux aider ultérieurement nos collègues à essayer, une fois que la paix sera revenue en Syrie, d'essayer de voir comment on refait ce genre de site ou de monument. Tout est extrêmement différent d'un lieu à l'autre, puisque il y a certaines choses où on pourrait très bien pratiquer l'anastylose, c'est-à-dire le remontage avec les pierres à côté de l'Arc de Triomphe, par exemple, de Palmyre. Les pierres sont tombées juste à côté de l'Arc de Triomphe. Donc là, il suffit juste de remonter les pierres, si je puis dire. Quand il y a une destruction où les totalités des pierres parties en poussière, ça, on n'arrivera pas à le reconstituer et est-ce utile de le faire? Est-ce que parfois il n'y a pas des difficultés justement à parler de ces questions de patrimoine qui peuvent sembler secondaires dans des moments de conflit ? Oui, juste après un conflit armé et même après des catastrophes naturelles, il y a toujours des besoins humanitaires qui sont plus importants que de protéger le patrimoine. Mais l'un n'exclut pas l'autre, on peut aider en même temps les gens et le patrimoine. Donc, on travaille souvent de concert avec des ONG et des organisations internationales qui font de l'humanitaire. Et on fait attention de ne pas interférer avec ça. Du coup, on arrive un petit peu plus tard pour prendre en charge le patrimoine culturel. Le mot clé, c'est un tout peu après. Puisque si on est le seul qui travaille sur le terrain, il n'y a personne qui s'occupe des gens et on s'occupe seulement du patrimoine. On est regardé comme des fous ou des martiens. Évidemment, on peut intervenir une fois qu'il y a des gens qui s'occupent des personnes. De toute façon, on ne peut pas être là sur le moment. On ne peut pas être là parce que ce sont d'autres corps qui interviennent. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce sont les populations les premières qui vont intervenir pour sauver leur patrimoine. Ce qu'on a pu constater, c'est que quand on arrive, il y a déjà eu des efforts. Donc, la culture, c'est fondamental, c'est immédiat. Quand on a perdu sa maison, quand on a perdu des êtres chers, ce qui faisait notre environnement, ça devient important, c'est la seule chose à laquelle on doit s'accrocher. Donc je crois que c'est un petit peu après, mais c'est fondamental pour les personnes. C'est pas divisé de l'être humain, je crois. Je suis en bois. J'ai été pillée. Inani masnoua min rukham. Je suis en marbre. J'ai été échangée. Laqad haddamuni. J'ai été détruite. Kassaruni. J'ai été brisée. Je suis un objet d'art. Merci à Catherine Antomarchi, Sophie Benezèche, Vincent Blanchard, Johan Chapoutou, Stefano Di Caro, Emmanuel Furex, Christina Cotte, Valeria Lepante, Marielle Pic, Aparna Tandon et Cory Wegner. Merci à Fergus Blunt. Archivina, Anna Olvec et Annie Lozana. Lecture, Léon Bonafé et Antoine Lachan. Prise de son, Philippe Etienne et Romain Lucquins. Mixage, Claude Niort. Détruire et protéger, le patrimoine aussi est un sport de combat. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Diffy Mariani. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez sauver une statue, bibliographie, lien, nous écouter à l'UNESCO ou nous podcaster pour déblayer les ruines, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, comment la révolution iconoclaste inventa le musée. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.